J'aime quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. C'est le remix. A wicked combination. LS Liberty King pour toutes les ladies. C'est le remix. Ready now. C'est le remix. Jump. J'aime ça. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. J'aime ça. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. J'aime ça. J'aime quand tu bouges sexy. Fille du ghetto ou vue d'en voici. J'aime ça. Dans le noir ou sous les spots, je te suis. Prends-moi des choses, sois mon guide pour cette nuit. J'aime ça. De m'imposer sur ton joli body. Je ressens tes vibrations, je lis tes envies. Good body girl, good body girl, good body girl. Tout le monde s'enflamme quand tu wine. Bien que tu m'achantes, entre nous la plus sexy c'est toi. Que t'as l'air et la manière de bouger ton bon bas. Hands up, aujourd'hui c'est toi qui contrôle ça. Tu nous mixes tes mouvements encore mieux qu'un selecta. Pour décrire ton corps, il n'y a pas de mots. Y'a tellement c'est beau quand tu wine. Tellement tu leur donnes de la vaille. J'aime ça. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. J'aime ça. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. Hey, mon gars, wake up. Il faut pas que tu t'endormes. Et s'il y a que des soldats, des gars qui pètent la forme, ne dis pas non, non, non. Et fonds-toi dans le décor. Tu te laisses aller, t'en redemanderas encore. Je veux que tu wines ton body, je veux que tu wines ton corps. Et ton corps. Faut surtout pas que tu ménages tes efforts. Oui, now go play sporty today. Comfy, get me love, baby. J'aime ça. Bébé, bouge pour moi. Encore une dernière fois. J'aime ça. De ton corps, je ne peux plus me passer. Mouvement démon tout prêt à m'achever. J'aime ça. Quand tu danses sexy, je suis des paillettes. J'aime ça. Quand tu t'agites, tout le monde est stressé. Mouvement dément pour se faire remarquer. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. J'aime ça. Quand tu danses près de moi, sans complexe, sans retenue. J'aime ça. Quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. Remix Joe. LS Liberty King Boy, we know we are mash up that. Liberty King LS, we are one. A big tune, check it. J'aime ça. C'est dit, j'aime quand tu t'exprimes. C'est toi qui me donnes la vibe. Avec toi, c'est high grade. Tu m'ambiances quand tu manies. Je veux que tu danses et que tu jumps sur la zig que tu fais. Les regards sont fixés sur toi. D'accord, on y va, il faut pas que tu le gênes. J'aime quand tu danses, quand tu danses. Alors move ton body, y'aura pas de problème. J'aime ça quand tu danses près de moi. Remix. Sans complexe, sans retenue. J'aime ça quand tu danses, continue comme ça. Viens et jette ton dévou. J'aime ça quand tu danses.